Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. La division d'Emmanuel Suarez, réalisation Sophie Haute-Picon. Deuxième épisode. Claire Pralin est historienne. Elle prépare une thèse sur la division Charlemagne, cette compagnie de Français qui a rejoint les rangs de l'armée SS dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Alors que ses recherches sont compromises par le décès des deux survivants qui avaient accepté d'y participer, elle est mise sur la trace d'un ancien de la division qui se cacherait depuis 50 ans quelque part en Europe de l'Est. C'est Thérèse de Mongeau, la sœur du vétéran qui lui confie le secret, ainsi que des documents passionnants sur la vie quotidienne de ces nazis français. Il lui reste à convaincre l'université, en la personne du professeur de la cour, du bien fondé de ses recherches, et à trouver une piste. Ah oui, j'oubliais. Claire, c'est ma mère. Elle ne le sait pas car je suis un narrateur embryonnaire. Mais vous vous en souveniez, n'est-ce pas ? Je comprends pas. Ce n'est pas un problème de fond, vous le savez bien, Claire, mais de méthode. C'est tout ce que j'ai. Quand j'aurai retrouvé De Mongeau, j'appliquerai avec lui la même méthodologie qu'avec Barigaud et Cartier. Mais avec eux, vous comptiez axer votre problématique sur la réinsertion de ces engagés SS dans la société française d'après-guerre. C'était très pertinent. Sur quoi allez-vous axer votre thèse si vous réussissez à retrouver ce De Mongeau ? Je sais pas encore. Les liens de la division Charlemagne avec la milice. Son parcours exact sur le front de l'Est avant la capitulation. Je vais certainement avoir accès à des archives précieuses une fois sur place. D'ici là, votre projet ressemblera plus aux aventures de Tintin qu'aux recherches d'une véritable historienne. Moi, j'aime bien Tintin. N'oubliez pas que vous vous attaquez à un sujet extrêmement sensible. Ce n'est pas un hasard si aucun chercheur n'a travaillé sur la division Charlemagne avant vous. Oui, bah résultat, on a ouvert un boulevard à toute la littérature pseudo-historique sur le sujet. On est en 1995, Jean. Nous sommes enfin revenus du mythe de la France unanimement résistante et il est grand temps d'accepter la réalité d'un fascisme français. 50 ans, c'est long. Mais 50 ans, c'est court. Waouh. Vous m'autorisez à utiliser cette phrase en incipit ? Mais sérieusement, on va pas laisser gagner Mabir ou Saint-Loup. La différence entre leur torchon et votre thèse, Claire, reposera justement sur la solidité de vos sources et de votre méthode. Et on sera toujours plus sévère avec vous qu'avec eux. Mais pourquoi ? Parce que je me suis pas engagée dans la Wehrmacht en 44, puis fait passer pour un rescapé du STO avant d'être blanchie par l'État ? Ou que j'ai pas discrètement disparu avant de fonder le Front National en 1972, comme Léon Gauthier et Pierre Bousquet ? Jean-Marie Le Pen vient de faire 15% au présidentiel, avec un parti créé par deux anciens volontaires des SS, et c'est moi qui dois être irréprochable. Nous sommes des scientifiques, Claire, pas des idéologues. Jean, faites-moi confiance, s'il vous plaît. J'aurais juste besoin d'un petit coup de main. Vous pourriez me faire inviter à nouveau à la matinale ? On ne peut pas dire que vous leur ayez laissé un excellent souvenir. Mais Jourdan m'est redevable et c'est une vraie passionnée d'histoire. Pourquoi ? De Mongeau cite un de ses camarades à plusieurs reprises. Il semble qu'ils aient passé l'année 45 ensemble et que l'autre ait réussi à rentrer en France. Si quelqu'un pouvait nous aider à retrouver sa trace... Après Tintin perdu de vue ? J'imagine que c'est urgent. J'ai rendez-vous aux archives militaires de Berlin vendredi. Vous croyez que demain, ce serait possible ? On va voir ce qu'on peut faire. Ouvrez grand vos yeux quand vous serez là-bas. Ça change à toute vitesse depuis la chute du mur. Mais pas de frasques. Surtout si vous débordez sur la Pologne ou l'ancienne RDA. Moi aussi, on m'a mis en garde. Il y a des gens qui s'inquiètent des dangers que vos recherches pourraient vous faire courir. Le doyen ? Non, plus haut. Beaucoup plus haut. Il est 8h43 et je reçois exceptionnellement une deuxième invitée ce matin. Il s'agit de Claire Pralin, historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, que vous avez eu l'occasion d'entendre sur cette même antenne il y a une semaine. Claire Pralin, je vous laisse résumer rapidement pour nos auditeurs les rebondissements qu'ont connus vos recherches depuis votre passage dans nos studios jeudi dernier. Je tiens tout d'abord à vous remercier vraiment parce que c'est grâce à votre émission que j'ai obtenu tous ces nouveaux éléments. C'est mon travail. Alors juste après l'émission, l'une de vos auditrices m'a mise sur la trace d'un possible survivant de la division Charlemagne, Bertrand de Mongeau, dont j'ai récupéré des documents écrits qui sont une source d'informations précieuses. Depuis, mon objectif est de retrouver Monsieur de Mongeau, de déterminer s'il a bien fait partie de la division Charlemagne et de recueillir son témoignage. C'est presque une enquête policière. Vous avez une idée précise de l'endroit où il pourrait se trouver ? Précise ? Disons qu'il est probable qu'il soit quelque part entre la Pologne et la Sibérie. Ah ! Voyons le bon côté des choses. Vous venez de retrouver la matière vive de vos recherches, celle que vous veniez de perdre quand je vous avais reçue la semaine dernière. Exactement. Si je parviens à rencontrer Bertrand de Mongeau. Justement. Je vous ai aussi invité aujourd'hui, en bouleversant un peu mon programme, parce que vous souhaitez vous adresser directement à nos auditeurs et leur lancer un appel. Absolument, oui. Alors, l'examen des lettres de Mongeau nous renvoie à l'un de ses camarades de régiment, un ami très proche. Mmh. Et si l'un de vos auditeurs pouvait nous aider à nous mettre sur la piste de cet homme, ce serait providentiel. La correspondance nous donne peu de détails sur cette personne, mais on sait qu'il se prénomme Philippe, qu'il est né en 1926 d'un milieu probablement bourgeois et qu'il vivait à l'époque à Paris, où il serait retourné dès 1946. Ce n'est pas courant dans le travail d'un historien de faire un appel public à témoins. On vous imagine plutôt le nez plongé dans des manuscrits poussiéreux. La couche de poussière dépend de la période qu'on étudie. Mes recherches portent sur des événements récents, dont les protagonistes sont encore en vie, et je souffre cruellement du manque de documents écrits. Et comment expliquez-vous cela justement, Claire Pralin ? L'absence d'études historiques sur un sujet aussi passionnant ? Eh bien, le contexte particulièrement chaotique de la libération de l'Europe à la fin de la guerre, sans doute, la propension des armées de tous bords à détruire les archives, et le talent de la France pour réécrire son histoire en repeignant en blanc les zones d'ombre. Ah, la fameuse France résistante. Ben oui. Or, d'après mes recherches, les armées de libération et le gouvernement provisoire ont systématiquement condamné à mort les soldats français engagés dans la Wehrmacht. Beaucoup d'entre eux ont été exécutés et inhumés rapidement en Allemagne, sans même qu'on en informe leur famille. Quant aux survivants, on a préféré les laisser disparaître discrètement dans la nature, plutôt que de se lancer dans des enquêtes et des procès. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que les recherches sur cette forme extrême de collaboration aient été encouragées. Si je vous comprends bien, il n'est pas délirant de penser que des anciens engagés de la division Charlemagne, donc des nazis plus ou moins repentis, occupent aujourd'hui des places honorables dans la société française. Je suis historienne, vous savez, pas reporter. Mais à titre personnel, je n'ai aucun doute à ce sujet. Il est 8h43 et je reçois exceptionnellement une deuxième invitée ce matin. Claire Pralin. Je vous laisse résumer rapidement pour nos auditeurs les rebondissements qu'ont connus vos recherches depuis votre passage dans nos studios jeudi dernier. Je tiens tout d'abord à vous remercier vraiment parce que c'est grâce à votre émission que j'ai obtenu tous ces nouveaux éléments. C'était pas la peine d'aller le crier sur tous les toits. Je vous ai aussi invité aujourd'hui, en bouleversant un peu mon programme, parce que vous souhaitez vous adresser directement à nos auditeurs et leur lancer un appel. Absolument, oui. Alors, l'examen des lettres de Mongeau nous renvoie à l'un de ses camarades de régiment, un ami très proche. La correspondance nous donne peu de détails sur cette personne, mais on sait qu'il se prénomme Philippe, qu'il est né en 1926. Mais non, je vais demander de retrouver Bertrand, mais pas de s'occuper de Philippe. On va tous les avoir au basque maintenant. Mais tu m'avais dit qu'elle était intelligente, que c'était la seule qui pouvait nous aider. Elle est très intelligente, mon petit Julot, j'ai pas changé d'avis sur elle. Je suis convaincue qu'elle ira jusqu'au bout. Mais de toute évidence, elle ne sait pas où elle met les pieds. Chut, les protagonistes sont encore en vie. Et je souffre cruellement du manque de documents écrits. Et comment expliquez-vous cela justement, Claire Pralin ? L'absence d'études historiques sur un sujet aussi passionnant ? Oh, bah c'est pas Einstein, celle-là. Le contexte particulièrement chaotique de la libération de l'Europe à la fin de la guerre, sans doute. et le talent de la France pour réécrire son histoire en repeignant en blanc les zones d'ombre. Oh, bien envoyé. Si je vous comprends bien, il n'est pas délirant de penser que des anciens engagés de la division Charlemagne, donc des nazis plus ou moins repentis, occupent aujourd'hui des places honorables dans la société française. Ah, ça c'est pas mal. Je suis historienne, vous savez, pas reporter. Mais à titre personnel, je n'ai aucun doute à ce sujet. Bah, elle a du culot, la petite, hein. Bon, ben bah, on va devoir la protéger, sinon elle est cuite, et nous avec. C'est ton boulot, ça, mon Julot. Tu ne la quittes pas d'une semelle, l'historienne, tu me comprends? Allez, va préparer ton sac. Je prends ton billet pour l'Allemagne. Oh, mais j'aime pas l'Allemagne. Ah, je sais, je sais. Calvados. Vous vous souvenez de cette chercheuse qui avait fait cette interview pour la matinale? Elle avait vomi en direct. Claire Pralin, c'est oui. Ça Oui. Et elle a fait une autre interview ce matin. Je vais vous la faire écouter. Si je comprends bien, il n'est pas délirant de penser que des anciens engagés de la division Charlemagne, donc des nazis plus ou moins repentis, occupent aujourd'hui des places honorables dans la société française. Mais c'est qui cette conne? Je suis historienne, mais à titre personnel, je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais c'est qui cette conne? Voilà. Je vous ai contacté dès que mes services m'ont informé de l'interview. J'écoute jamais cette station le matin, je préfère la musique pour commencer ma journée. Je suis ravi de l'apprendre, commandant. Bon, à ce stade, ça ne sert à rien de paniquer. Ça ne devrait pas être trop compliqué de bloquer le financement de sa thèse et de faire comprendre à la Sorbonne qu'elle va devoir changer de sujet. C'est trop tard, hein, monsieur Debouche. On la surveille depuis un moment et jusqu'ici ça allait. Mais maintenant que la vieille a sorti son frère de sous le parquet, on peut plus rien faire. Trop voyant. Et puis avec la journaliste qui s'en mêle, on va devoir être discret. Oui, c'est évident. Pralin est sur le point de partir en Allemagne. Il faut retrouver ce de Mongeau avant elle pour commencer. Mais qu'est-ce qu'on sait ce qu'elle peut découvrir en Allemagne? On installe un dispositif pour la suivre à la trace et être au courant de ses recherches en temps réel. Et si elle en apprend vraiment trop? On s'en occupe. Après tous les types qui ont tenté de se mettre sur ma route et que j'ai écrasé sans un bruit, faut que je me fasse emmerder par une petite intellectuelle sortie de nulle part. Elle est normalienne, au moins? Même pas. Mais c'est quand même amusant. Il faut en lire La Fontaine, messieurs. Le danger ne vient jamais d'où on l'attend. Monsieur le sénateur, je mets quelques gars de mon service sur l'affaire, le strict minimum, pour rester souple. Et on s'arrange pour que vous n'ayez pas plus d'informations que nécessaire. Vous passerez par la voie habituelle, commandant Pia. Ce professeur de la cour, on peut rien en faire? Je l'ai fait mettre en garde par un compagnon de loge. On a essayé de préparer le terrain pour qu'il décide de lui-même de calmer les ardeurs de sa pouliche. Mais il est très sensible dès qu'on touche à la liberté de la recherche. Oh, évidemment. Alors on va plutôt orienter le problème sur les questions géopolitiques actuelles. L'OTAN, le pacte de Visegrad, tout ça. La sécurité nationale, ça fonctionne toujours chez les hommes de sa génération. Non, messieurs, je ne vous retiens pas. Nous ne nous sommes pas vus, mais je paie quand même votre déjeuner. Je compte sur vous, commandant Pia. Monsieur le sénateur, monsieur Debouche. Pierre, vous l'avez bien connu, ce Bertrand de Mongeau? Il pourrait se souvenir de vous? Je l'ai bien connu, oui. On peut dire cela. Et si je me souviens de lui, il y a peu de chances pour que lui m'ait oublié. Après toutes ces années, c'est un peu présomptueux. Mais toutes les années ne se valent pas, mon ami. Ce que nous avons vécu là-bas ne s'oublie pas, vous pouvez me croire. Pour moi, ça aurait été l'Indochine et l'Algérie. Ben, vous voyez donc très bien ce que je veux dire. Une dernière question, Pierre. Vous êtes bien certain que vous ne vous appelez plus Philippe pour personne? J'ai peut-être fait une connerie il y a longtemps. Je vais vérifier. Il a raison, le sénateur Marsan. Il faut toujours vérifier si les conneries qu'on a semées ont donné des arbres et si ces arbres ont donné des fruits. Laissons-le donc à ses coups de téléphone et retournons auprès de ma mère qui vient de poser le pied sur le quai de la Hauptbahnhof, la gare centrale de Berlin. Ses battements cardiaques sont nettement plus élevés que ceux d'une historienne qui a rendez-vous aux archives. Elle marche vite. Elle se sent grisée par cette ville inconnue et cette enquête à l'aveugle. Les hormones doivent jouer leur rôle aussi, mais elle n'en sait rien encore. Elle se sent libre et enfin seule. Et pourtant, elle est bien entourée. Filée, surveillée. Les hommes du commandant Pia d'un côté, l'immense Julot de l'autre et moi en dedans. Claire n'a jamais été moins seule. Non, j'appelle du hall. Les téléphones dans les chambres ne permettent pas les communications internationales. Les lignes sont probablement encore redirigées vers la Stasi. Ça a si peu changé que ça, Berlin. C'est très bizarre comme endroit. La ville entière a l'air d'être en travaux. À tous les coins de rue, tu tombes sur une immense étendue de sable avec trois grues plantées au milieu et des immeubles sans façade. Tu vois, ça me rappelle des photos de... Oui, de 1945. Voilà. Espérons seulement que le pays se construise sur des bases un peu plus sereines cette fois. Ouais. Pour commencer, ils ont fait disparaître le Parlement. Quoi ? Je te jure, le Reichstag a été emballé par Christo et son double féminin. Là. Oui, Jeanne-Claude. Voilà. On dirait un gros gâteau blanc. Et hop, je recouvre l'histoire allemande. Les premiers discours d'Hitler, l'incendie de 1933. Ni vu ni connu, je t'emballe. Et ces archives, t'as trouvé quoi ? Accroche-toi. Je suis au bureau. Si je tombe, il y aura toujours un vieux tas de revues pour amortir ma chute. En arrivant au Dienststelle, je m'attendais à pouvoir ôter des heures. Tous les registres militaires de la Wehrmacht y sont quand même, depuis la Première Guerre mondiale. Ah bah non. Pas un quidam. Je me suis adressée à la seule personne de l'accueil, dans mon allemand légendaire. Entschuldigung, ich bin Assistenzprofessorin Claire Pralin von Paris. Ich habe letzte Woche geschrieben, das... Oui, je me souviens. C'est moi qui ai traité votre demande de documentation. Ce sera mieux en français, vous avez raison. J'adore les langues étrangères. Ah bah, moi aussi, hein, mais c'est les langues étrangères qui ne m'aiment pas. Anita? Ja? Kannst du mich bitte für eine halbe Stunde im Empfangsbüro setzen? Natürlich. Asseyons-nous ici, si vous le voulez bien. Vous avez pu trouver les registres que je vous ai demandés? Je suis vraiment désolée, ils ne sont pas à leur place. C'est peut-être le déménagement depuis Freiburg. Le déménagement, mais quel déménagement ? Après 1945, les documents strictement militaires qui étaient récupérés par les Alliés étaient stockés au Dienststelle de Freiburg. Parce que Berlin, c'était risqué à l'époque. Mais après la réunification, on a tout rassemblé ici. J'ai moi-même supervisé les transferts. C'est pour ça que je ne comprends pas comment ces dossiers ont pu être égarés. Mais quels dossiers ont été égarés exactement ? Tous ceux qui concernent la 33e Waffengrenadier Division, la division Charlemagne. La 33e, oui. Tous les dossiers ? À peu de choses près. Il y a une autre hypothèse. Oui. Les archives auraient pu être déplacées, ou subtilisées si vous préférez, à Freiburg il y a très longtemps. À l'époque où il y avait encore des unités américaines et françaises postées dans la région. C'est ce que j'ai expliqué hier à votre collègue. Pardon ? Vous avez dit quoi ? Je pense que les dossiers n'ont pas disparu dans le déménagement, mais avant. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Mais vous avez parlé de collègues. Oui, votre assistant qui est venu hier pour réclamer les dossiers. Marc. Quoi ? Un Français s'est présenté au bureau hier en disant qu'il travaillait avec moi et il a voulu consulter les dossiers. Hein ? Exactement ce que j'ai demandé par courrier mercredi dernier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sauf qu'elles sont vides, les étagères. Et depuis longtemps. De toute façon, je le savais. J'y allais juste pour en avoir le cœur net. Attends, je suis perdu, là. Si j'ai choisi la monographie et les entretiens individuels pour cette thèse, depuis le début, quitte à passer pour une dingue, ou pire, une sociologue, c'est parce que je suis convaincue que les archives ont disparu. Ou ont été falsifiées. Mais là, je suis pas repartie les mains vides. On en parle du faux assistant ? Après. Ma copine archiviste était ennuyée après le départ de mon assistant. Alors elle a fouillé dans d'autres dossiers de la même époque, mais qui ne concernaient pas la division Charlemagne stricto sensu. Et j'ai trouvé un document très intéressant au sujet de votre Bertrand de Mongeau. Vous avez quelque chose qui atteste sa présence au sein de la division Charlemagne ? Regardez. Nous stockons aussi les archives d'une partie des tribunaux militaires de la Wehrmacht. Pas les grands procès, mais les jugements réguliers, les petites exactions traitées sur place. Et là, on a le compte-rendu d'un jugement du 7 mars 1945 en Poméranie, où comparaissent 8 soldats de la 33e, dont un certain B. Demangeau. Bingo. Et ils étaient accusés de quoi ? De viol. Plus de la moitié des procès militaires en 44 et 45 sont des affaires des viols sur des civils. Ah oui, les petites exactions. Des ordures jusqu'au bout. Pas votre Demangeau, apparemment. Il a été disculpé par les témoignages d'une des femmes qui avait porté plainte. Lui et un certain de Marsanche. P. de Marsanche. P. comme Philippe. Philippe de Marsanche. On te tient, mon cochon. Quel cochon ? C'est formidable. Doublement formidable. Même si je sais pas vraiment quoi faire avec ce document... Si j'étais vous, je commencerais par la femme. Mais la femme, quelle femme ? Lotte Brûlot, celle qui l'a innocentée. Lotte ? Tu te souviens ? Sur les carnets de Bertrand. Oui, bien sûr que je me souviens. Moment délicieux avec Lotte, je crois que Philippe est jaloux de Lotte. Oui, oui, bien sûr. Tu crois que c'est la même ? Ça me semble évident. Les dates coïncident... Il ne doit pas y avoir des milliers d'Allemandes qui ont un nom de poisson. Pas la peine de me raconter la suite du programme. Tu retrouves Lotte, je m'occupe de Philippe de Marsanche. Exact. Dis donc, t'as noté la proportion particulièrement élevée de noms à particules dans la division Charlemagne ? Oui, oui, la vieille aristocratie réactionnaire dans la droite ligne des ligues et du ralliement à Doriot. Ça me semble assez logique. Et maintenant, on peut aborder le sujet du mec qui te suit, ou plutôt qui te précède dans tes recherches ? Je trouve ça un peu flippant. À mon avis, c'est un type de Paris 4, ou de Sciences Po. T'es sérieuse ? Une guerre des départements d'histoire contemporaine ? Bah, tu pensais à quoi ? Le fantôme du maréchal Pétain ? Aïe ! Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Claire ? Claire, tout va bien ? Mais oui, c'est juste un con qui vient de renverser toutes mes affaires. Bon, écoute, je te laisse. Tu me tiens au courant dès que t'as du nouveau. Non, mais c'est pas vrai. Je peux vous aider ? Vous êtes français ? Sylvain Frémont. À qui ai-je l'honneur ? Alors quand le premier a cassé sa pipe, je me suis dit, pas de chance. De tous les anciens de la division, j'arrive à en convaincre deux. Et pof, il y en a un qui me claque entre les doigts. Il était même pas vieux, 72 ans, à tout casser, en pleine forme et tout. Il allait au golf. Et le lendemain, j'apprends qu'il a été retrouvé mort. Pas de chance. C'est vraiment con, parce qu'il avait les idées claires et il en savait pas mal sur tous ceux qui se sont réintégrés tranquillement dans la société d'après-guerre. Et puis l'autre, alors 6 mois plus tard, le coup de grâce, zoupla, la thèse à la poubelle. Non, j'aurais dû faire de l'histoire médiévale, au moins. Les enluminures, elles risquent pas d'attraper une mauvaise grippe. Ça doit être passionnant, quand même. Remarque, ça tend à confirmer l'hypothèse d'une justice divine. Il y a plein de salauds qui en échappent, mais peut-être que là, le grand barbu s'est dit « Toi, mon gars, t'as voulu défendre le bunker d'Hitler alors que t'étais même pas obligé d'y aller ?» Ça mérite un gros infarctus. Quelque chose m'échappe. Pourquoi consacrer son temps à étudier la vie de type que vous détestez ? Autopunition. Non, je déconne. J'ai tendance à simplifier quand j'en parle, c'est mon côté grande gueule. Mais quand même, ces hommes posent des questions extrêmement intéressantes. Et pas qu'aux historiens. Pourquoi choisir de se battre aux côtés de l'occupant, de l'ennemi de ta patrie, au moment même où plus personne ne croit en sa victoire. Ces gamins n'étaient pas des fanatiques ni des cas isolés. Donc, qu'est-ce que la France avait en elle de suffisamment compatible avec le programme du national-socialisme pour que des milliers de jeunes acceptent de se faire tuer en son nom? Et alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, reste enfoui dans les racines de notre arbre national de cette pulsion pan-européenne des nazis? Waouh! Impressionnant après 8 martini. Il m'en faut 15 pour perdre mes exceptionnelles capacités intellectuelles. Et toi, tu fais quoi déjà? Je suis expert sur les questions de défense internationale. Je fais du conseil en sécurité, quoi. Oh, tu vas te faire chier, mon pauvre. Non. Actuellement, avec la reconstruction de l'Europe de l'Est, il y a du boulot très intéressant. Bon, après, c'est sûr que c'était pas un rêve de gosse. Et toi, l'histoire? J'ai pas connu mon père, ma mère n'a pas connu son père et ma grand-mère n'a pas connu son père. Alors j'ai fait de l'histoire. Non, c'est mon psy qui dit ça. Je trouve que c'est complètement stupide, mais ça claque dans les dîners. Alors, on en était où? De Mongeau a fréquenté une femme quand la division était en Poméranie, et tu as pris rendez-vous avec elle, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Je te dis tout si tu me montres ta chambre. Bien. Bien. Sac. À suivre. La division d'Emmanuel Suarez, deuxième épisode, avec Claire Dumas, Bernadette Le Sachet, François de Brouwer, Mathurin Voltz, Alain Rimoux, Régis Laroche, Jean-Édouard Bodziak, Clément Morinière, Irma Barry-Schmidt, Alizé Soudet, Daniel Königsberg, Laurent Horry. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Jefferson Lambeil. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon.